mon rap, ma vie. Mon envie de vaincre devient plus fort que mon envie de vivre. Mon rap, ma vie. C'est ça qui ça m'inspire, signé Saphir. Mon rap, ma vie. Mon envie de vaincre devient plus fort que mon envie de vivre. Mon rap, ma vie. C'est ça qui ça m'inspire, signé Saphir. Et je sais que je percerai dans ce monde, quitte à faire comme Ino, quitte à hypothéquer ma tombe. Je me suis tellement de fois retrouvé à terre que je ne pouvais que me relever et regarder en l'air. Regardez-moi, écoutez-moi, vous croyez que j'ai mal, écoutez-moi, regarde-moi, j'irai toucher les étoiles et personne ne pourra jamais me descendre. Vois tellement convaincu et cru que je pourrais parier mes cendres. Je ne vois aucun mauvais côté, à chaque pas en arrière je me vois remonter de plus en plus fort. Encore et encore écrire et écrire, décrire les cris de mon corps, j'ai la dalle. Et je te prouverai en ouvrant mon ventre, t'inquiète, plus de 1001 thèmes, j'en ai à revendre. Placer mon vécu, évacuer comme l'écume, évacuer tout ce vécu qui me pèse comme une enclume. Mon rap, ma vie. Mon envie de vaincre devient plus fort que mon envie de vivre. Mon rap, ma vie. C'est ça que ça m'inspire, signe, ça vit. Mon rap, ma vie. Mon envie de vaincre devient plus fort que mon envie de vivre. Mon rap, ma vie. C'est ça que ça m'inspire. Chaque réussite est basée sur le détail. Alors je me remémore chaque moment fort. Et chaque faille, chaque lettre et chaque mot sont passés au crible. Comme chaque ligne de mes mains qui me prédisent ma réussite. Optimiste, je vous regarde dans les yeux. J'y arriverai, quitte à braver les cieux. Ceux qui partagent et pèsent mes journées sont les seuls qui peuvent mesurer ma sincérité. V'là tes principes mon gars, je te les laisse. Je rêve d'être aussi réel que Kerry James, tant de larmes versées, tant de pages noircies après tout ce temps passé. Yeah, me voici, Saphir, nouvel adepte de la mélancolie, fanatique des poètes et des symphonies, grand amateur d'art et de classique, et heureux détenteur de la puissance lyrique. Mon rap, ma vie. Mon envie de vaincre devient plus fort que mon envie de vivre. Mon rap, ma vie. C'est ça que ça m'inspire, signé Saphir. Mon rap, ma vie. Mon envie de vaincre devient plus fort que mon envie de vivre. Mon rap, ma vie. C'est ça que ça m'inspire, signé Saphir. Pourquoi admirer, contempler sans comprendre? Si vous pensez à ce que je pense, nous ne sommes pas loin de nous comprendre. Saphir, c'est ça que ça m'inspire. On veut tous vivre nos rêves et arrêter de rêver nos vies au quotidien. On ne fait que s'inventer un paradis. On s'entoure de biens matériels et d'amour fictifs. Que fait-on des sentiments? Soyons réalistes en tant qu'acte de compassion. Je m'exprime, n'oubliez pas que ce qui plaît au monde n'est qu'un songe rapide. Et si mes textes s'accumulent, appelle-moi là ma sœur. Et si je réussis, c'est pour mes frères, mes sœurs et mes pleurs. Pourquoi admirer, contempler sans comprendre? Si vous pensez à ce que je pense, nous ne sommes pas loin de nous comprendre. Ça fait, c'est ça que ça m'inspire. Mon rap, ma vie. Mon envie de vaincre devient plus fort que mon envie de vivre. Mon rap, ma vie. C'est ça que ça m'inspire, signé Saphir. Mon rap, ma vie. Mon envie de vaincre devient plus fort que mon envie de vivre. Mon rap, ma vie. C'est ça que ça m'inspire, signé Saphir.